Bonjour, Franck, j'écoute votre émission sur Quatre Bouches, j'ai 58 ans. J'ai découvert Quatre Bouches lors d'un voyage en Angleterre, dans le bus, et c'était Babouchka à l'époque. J'ai entendu ce truc qui m'a percé non seulement les oreilles dans le bon sens du terme, mais également l'âme. Je crois que depuis, je suis devenu absolument inconditionnel de Quatre Bouches, évidemment, à travers Wounds of Love et à titre merveilleux comme Mother Stand from Comfort, par exemple, avec une basse et qui vient faire contre-champ sur la voix de Quatre Bouches qui est inoubliable. Voilà, ça me fait plaisir de vous dire ce que je ressens de Quatre Bouches et vous en parler très bien. Merci. Ciao. Alors bonjour Véro, 57 ans, et puis moi je ne fais pas partie de ces gens qui ne veulent pas que Quatre Bouches soit mis dans un placard. Non, je suis trop ravie que la jeune génération écoute à nouveau cette superbe chanteuse et tout ce que vous voulez. Je l'écoute encore tout le temps, mes enfants l'écoutent, c'est trop génial. Merci Blockbuster, super émission. Mais comment vous faites? La dernière fois que je vous avais appelé, c'était il y a très longtemps. Et j'espérais ne plus vous appeler pour moi-même, parce que je sais pas comment vous faites, vous me mettez en colère. Vous faites des émissions pour les initiés. Sur Pierre Richard, ça m'a pas réjoui, alors que ça aurait pu être super. Et là, sur Quatre Bouches, c'est pareil. Voilà, je pense que là, je vous ai écouté parce que c'était sur Quatre Bouches, mais je vais laisser tomber. Allez, sans rancune. Et bonjour, quand je vois comment les jeunes d'aujourd'hui sont en PLS quand ils entendent Quatre Bouches pour la première fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être quand ils vont découvrir Cookie Dingler ou Jean-Pierre Madère? Oui, bonjour Patrice Deloche, bah, c'est juste pour vous remercier d'avoir fait une heure de bonheur avec Quatre Bouches. Et c'est la femme de ma vie musicale, quoi, tout simplement. J'ai même eu la chance de la voir dans la tournée Before the Dawn, enfin la tournée qui était mobile puisqu'elle était à Londres. En 2014, et c'était une merveille de théâtre, de chant, de danse, de comédie musicale. J'en ai pleuré tellement c'était beau. Enfin, cette femme est une merveille, tout simplement. Salut Blockbuster, je viens d'écouter Quatre Bouches. C'était juste pour dire que moi, je l'ai découvert par mon papa, qui est un grand fan de Aude Hurlevent, et que ça fait bien plaisir de réentendre notre petite Cathy appeler son amoureux. Voilà, bonne journée Frédéric, bonne journée l'équipe. To be or not to be, not to be. On est arrivé à un point de la civilisation où la technologie a vraiment pris trop d'avance sur nous. Moi, je n'arrive plus à suivre. La semaine dernière, vous le savez sûrement, le premier ministre japonais Shinzo Abe s'est fait assassiner. J'ai appris cela via les réseaux sociaux avant même d'en entendre parler à la radio ou de lire quoi que ce soit sur le sujet. Rapidement, j'ai vu passer une photographie du suspect et je me suis dit, tiens, l'assassin ressemble drôlement à Hideo Kojima, le créateur des jeux vidéo Metal Gear et Death Stranding. Un génie du jeu vidéo et un passionné de cinéma qui habituellement tweet plutôt pour dire qu'il a vu le film Les Mignons au cinéma que parce qu'il veut faire tomber le gouvernement en place. Après vérification, qui m'a pris 5 secondes, car je suis un peu la Élise Lucet version Wish, je m'aperçois que c'est une blague. Mais que cette blague a été prise au premier degré par des militants d'extrême droite française et par Damien Rieux, l'ex-candidat du parti Reconquête, qui a diffusé la photo d'Hideo Kojima avec cette phrase « L'extrême gauche tue ». Problème, l'information a été reprise telle quelle par la télévision grecque. En conséquence, et on le comprend, Kojima Productions menace désormais toutes celles et ceux qui ont diffusé cette photo de poursuite judiciaire pour diffamation. Quand on pense que dans Metal Gear, Hideo Kojima prophétisait il y a des années de cela que la guerre du futur serait la guerre de la désinformation et des fake news, on ne peut être que fasciné par l'ironie de la situation. Ce ne sont pas les jeux vidéo qui rendent les gens violents. Les jeux vidéo essaient juste de nous prévenir que c'est le monde qu'il a toujours été. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Moins associé à l'entreprise Nintendo que Mario, moins rebelle que Sonic, Kirby incarne pourtant un pan entier de l'histoire du jeu vidéo. Depuis des années, la petite boule rose créée par Masahiro Sakurai, le créateur de Super Smash Bros, fait le bonheur de millions de joueurs dans ses aventures solo ou dans des jeux dérivés. Pour revenir sur l'histoire de ce cousin éloigné des barbapapas, j'ai avec moi Justine Boulanger, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes membre de l'association Women in Games France et intervenante en école de gaming à XP School. Exactement. Avec nous de retour, Corentin Benoît Gonin, bonjour. Salut Fred. Vous êtes journaliste de jeux vidéo indépendant. Absolument. Également de retour, Karel Canfouy, bonjour. Bonjour. Vous co-animez Hémisphère, le podcast des explorateurs de l'imaginaire, et vous êtes également chroniqueur et réalisateur pour l'émission Jeux vidéo Jour de Play sur Arte. Non, alors c'est Pierre qui co-anime Hémisphère avec moi, qui est chroniqueur et réalisateur pour Jour de Play. Et il est pas là et je voulais lui rendre hommage. Ah oui, bah oui. Voilà, parce que c'est important aussi de citer tous les gens qui ne sont pas là. Les absents ont droit à leur honneur aussi. Olivier Bénis aussi, on pense à lui aujourd'hui. Oui, Olivier Bénis, voilà, qui a longtemps tenu la chronique La Faute aux Jeux Vidéo et qui depuis un certain temps fait du lobbying pour qu'on parle de Kirby. Et le jour où j'en fais une, ben il est pas là. Mais on le salue quand même. Soyez tous le bienvenu dans le monde merveilleux de Kirby. Avec cette musique enchantante, envoûtante, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que Kirby ? Si je devais donner quelques mots pour définir Kirby, je dirais c'est une petite boule rose trop mignonne. En apparence du moins. C'est une petite boule rose trop mignonne, avec des petites chaussettes rouges, de grands yeux noirs et bleus, et qui avale absolument tout et n'importe quoi, du plus petit objet au plus petit ennemi, en passant par des voitures, des escaliers, des plots de chantier... et qui s'approprie en plus les pouvoirs de ses ennemis en les avalant encore une fois. En fait, c'est un aspirateur rose, tout simplement, qui se déplace dans le monde du jeu vidéo. Et alors, sur quelle console avez-vous découvert ce personnage pour la première fois ? Moi, j'étais toute petite, étant donné que le premier Kirby est sorti sur Game Boy en 92. Je devais avoir 4-5 ans, console piquée à mes cousins, encore une fois. Et j'ai joué dessus et c'est là que je me suis dit mais c'est trop bien un jeu auquel moi je peux prétendre parce qu'à l'époque c'était des jeux voilà rien qu'avec l'intitulé de la Game Boy on comprend ce que ça veut dire. Je me suis dit chouette, une alternative à Mario, une alternative à d'autres jeux un peu plus entre guillemets violents, un truc trop mignon mais avec du challenge, ça c'est chouette. Et j'ai commencé en dessinant et en coloriant en fait Kirby sur la jaquette parce qu'elle était blanc. Corentin Benoît Gonin, comment vous avez découvert Kirby ? Bon, de la même manière, c'est vrai que le Kirby Game Boy, c'était un peu cette cartouche qu'on se passait entre les amis. On allait chez un ami et on lui piquait le Kirby, on la mettait dans sa Game Boy. Et puis comme le jeu était très court, bah c'est bien, on en avait pour le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on avait vraiment en une après-midi, c'était réglé. Hein. Kirby 1, il y a 5 niveaux, ils sont assez courts. C'était très rapide. Et moi, j'avais gardé en tête de ce jeu que j'adorais, mais que quand même gamin, je trouvais. Quand même, ils auraient peut-être pu faire plus de niveaux. Mario, il donne plus de niveaux et plus de fil à retordre aussi. Hein. Karel, même question. Alors moi, c'est un peu plus tard, parce que je suis peut-être né un peu plus tard que vous aussi. Non, moi j'ai découvert Kirby dans Super Smash Bros. En fait, et du coup via l'épisode 64 qui est sorti après. Donc voilà, je voulais avoir Golden Sun et ils en avaient plus. Donc du coup, voilà, j'ai pris Kirby et bah j'en ai eu pour mon argent parce que c'est un jeu magnifique. Bah voilà, mon amour pour cette petite boule rose s'est poursuivi au fil des années. Et parmi les nombreux jeux Kirby qui sont apparus au fil des ans, lequel préférez-vous, Justine Boulanger ? Alors moi ça peut paraître étrange, mais en fait j'ai un peu fait le début et la fin. Celui qui m'a le plus marqué, c'est celui auquel je joue en premier, donc Kirby Dream Land, le tout premier, exactement. Et paradoxalement, le tout dernier. Parce que moi, par exemple, je suis pas hyper fan, pardonnez-moi, hein, mais des Smash Bros. Donc, même s'il est très présent dans les divers titres de Smash Bros, moi, là où je prends plaisir à redécouvrir Kirby, bah, c'est dans ses jeux éponymes. Et le dernier, je trouve, sur la Switch, est particulièrement bien réussi. Il y a tout un jeu avec la 3D, les environnements sont magnifiques. Et en fait, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir fait un bond dans le temps. De 30 ans, tout simplement, sur le Kirby Dreams Land versus aujourd'hui. Et c'est que du bonheur et que du plaisir. Karel Kanfuy, il y a aussi une histoire dans Kirby. Il protège sa planète pop star parce qu'il est toujours associé à cette étoile volante sur laquelle il est juché. Il faut raconter un petit peu la cosmogonie qui entoure Kirby. C'est rapide. Oui, c'est très rapide. Mais en gros, Kirby, c'est un petit personnage qui vit dans Dreamland, qui est une contrée de la planète pop star sur laquelle règne le roi Dadidou, qui est un gros pingouin muni d'un marteau. J'adore ces moments d'explication. Oui, non, mais voilà. Il y a un pingouin géant avec un marteau, c'est le roi Dadidou. Normal. Et je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui font ah mais bien sûr, je vois qui c'est. Oui, évidemment. Et donc il y a également un autre personnage qui est un peu le Vegeta de cet univers, qui est Meta Knight. Une espèce de chevalier qui se balade, qui sillonne les mers et les cieux avec un gigantesque vaisseau qui ressemble au vaisseau d'Albator. Voilà. Là il y a vraiment référence. Là je sais qu'on est en train de perdre plein de gens. Vegeta, qui est Vegeta? C'est le rival de Sangoku dans Dragon Ball. Méchant au début, qui devient gentil. Après. Il faut dire qu'en fait Kirby, c'est même dans la mécanique, c'est un personnage qui agrège les pouvoirs des autres, mais même dans ce qu'il raconte, c'est une espèce d'énorme synthèse de plein de références. On va pas faire l'inventaire aujourd'hui, mais il y a vraiment cette logique de utiliser le prétexte du monde des rêves pour rendre hommage à tout un menu gigantesque, tout un grand buffet de références, qu'elles viennent du jeu vidéo ou du cinéma. Et Corentin, qu'est-ce qui explique selon vous la longévité du personnage? Parce que même si c'est une mascotte un petit peu moins reconnue que Mario ou Sonic ou même Rayman, en fait Kirby a toujours été là. Je ne sais pas, je sais plus qui l'avait dit, mais je pense qu'une bonne mascotte, c'est une mascotte qu'on peut reconnaître même via sa silhouette, via son ombre. Et je crois que Kirby fait vraiment partie de ces mascottes-là. C'est-à-dire qu'à la base, Kirby, quand il a été conçu par Masahiro Sakurai, c'était ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire un personnage qu'on met là en attendant d'avoir le vrai personnage qu'on va vraiment faire. Et en fait, le personnage en lui-même, il a tellement eu du succès au sein de l'équipe de développement, tout le monde lui a dit non mais c'est lui en fait, t'as pas besoin de créer un autre personnage par-dessus, qu'il a fait bon bah d'accord. Et je pense qu'en fait c'est intrinsèquement Kirby, via sa forme, sa bonhomie, sa rondeur et le fait qu'il soit un peu mou, qu'il vole, enfin, tout est sympa dans ce personnage. Il aime quoi? Il aime faire quoi Kirby dans la vie? Il aime dormir et manger, et en fait il se réveille que quand on met ça en danger, quoi. Donc il ne peut être que sympathique, Kirby. Moi je ne vois, c'est pour ça je pense que tout le monde est un petit peu sous le charme de Kirby depuis 30 ans, quoi. Un jeu vidéo, c'est souvent un thème entêtant, une ritournelle qui vous trotte dans la tête inlassablement jusqu'à la fin des temps. Eh bien ce thème, le voilà, le thème de Kirby. C'était le thème de Kirby et je présente mes excuses à toute mon équipe de Blockbuster qui désormais a cette chanson dans la tête depuis ce matin, vraiment. C'était évidemment le thème de Kirby dans Blockbuster, c'est pas facile à dire, dans Blockbuster sur France Inter. Le générique du dessin animé Kirby, Car elle qu'enfouit, oui. Kirby fait partie des rares mascottes à avoir eu un dessin animé pérenne qui a été diffusé en France. Oui, tout à fait. En fait, on a eu une première vague de films pas très heureuses dans les années 90, avec notamment le film Mario, à l'issue duquel Nintendo s'est tenu à distance de toutes les adaptations audiovisuelles de ses œuvres. Et puis, il y a eu le succès de Pokémon. Je pense que ça a dû jouer. Du coup, Kirby était peut-être une licence qui se prêtait le plus à cet exercice, d'autant que voilà, il y avait une alchimie déjà entre les personnages. Le roi Dadidou a un peu ce côté jaloux de Kirby. Il essaye toujours de piéger Kirby en ayant recours à une force un peu qui le dépasse. Donc en fait, l'équation Bip Bip, Ville Coyote et Acme Corporation se refaisait très vite. Même dans le dessin animé, il y a la Nightmare Corporation qui donne des gadgets au roi Dadidou, et ce qui du coup justifie même la longévité de la série. Et l'influence de Pokémon se ressent même, parce que cette équation, on l'a retrouvée déjà avec Jesse et James de la Team Rocket avec Pikachu. Donc en vrai, le parallèle entre Pikachu et Kirby, pour un public enfantin, marchait très bien. Et d'ailleurs, ça pourrait être un Pokémon. Hein. Oui, bah même Miyamoto l'imaginait jaune à l'origine. Donc effectivement, ça pourrait être un Pokémon. Mais Rondoudou pourrait être un cousin pas très éloigné de... Oui, mais ils ont Kirby. Même à peu près les mêmes coups dans Smash Bros. D'ailleurs, pour le coup, un tout petit peu. Voilà, je vois Corentin qui fait la grimace. Il y a le puriste, il dit non, mais, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Mais mine de rien, la série est quand même assez pérenne. Elle fait une centaine d'épisodes. La boîte de production qui a financé la série était une joint venture entre HAL Laboratory et Nintendo. Donc Masahiro Sakura s'est lui-même impliqué dans la création de la série. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est le créateur de Kirby. Tout et à aussi fait. De la franchise Super Smash Bros. Ce jeu de combat sur lequel on a déjà fait un blockbuster qui sera de nouveau diffusé au mois d'août. Très bien. Avec Corentin d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Écoute, encore une raison en plus d'écouter le numéro. Mais ouais, donc c'était une série d'éveil. Hein. Vraiment, faut la prendre comme ça. Je pense qu'avec un regard, même pour un adolescent 12-14 ans, ça, c'était déjà un petit peu trop âgé dans la tranche d'âge. Mais c'est une série qui est assez intéressante. Il suffit de voir des petits extraits sur YouTube aujourd'hui pour s'en convaincre. Il y a une scène qui parodie Psychose. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Il y a des parodies de trucs, mais complètement qui n'ont rien à faire dans un dessin animé enfantin, des épisodes même où Kirby devient terrifiant, voilà, c'est vraiment un manifeste de tout ce qu'est Kirby, je trouve. C'est très fidèle à la philosophie, en tout cas. Mais Justine Boulanger, on le disait hors antenne, Kirby avec ce sourire et ses grands yeux, comme ça, avec des petites étoiles, ses bonnes joues toutes roses, il a quelque chose, mine de rien, d'un petit peu effrayant dans sa manière de consommer le monde, de tout avaler. Oui, c'est moi je ferais par exemple le parallèle avec Yoshi, qui a la même faculté dans les jeux Yoshi et Mario, on va dire, il gobe tout ce qu'il veut. Sauf que Yoshi, là où c'est plus mignon, il avale un ennemi et il le pond en œuf. Et ensuite, l'œuf lui sert de missile, somme toute. Kirby, non, c'est Kirby, juste il avale. Et il avale et ce qui est avalé, la personne, la chose, l'animal, la petite bête, disparaît à tout jamais. Et effectivement, Il y a tellement de philosophes qui pourraient se pencher sur le cas de Kirby. Oui, et en fait, absolument tout dans l'univers de Kirby est fait pour être mignon. À la base, Kirby, effectivement, il devait s'appeler Popopo, Twinkle Popopo. C'est hyper mignon, mais ça ne parlait qu'à l'îlo Nippon, donc ça a été changé. Et il est rose, il est rondouillard, il est très élastique, il est choupinou, même les doubleurs et la doubleuse depuis 99 lui donnent des petits bruits et des petites onomatopées hyper mignonnes. Tout est fait pour être, comme on dirait en japonais, kawaii. Exactement. Sauf qu'en fait, si on se penche un peu sur les actes de Kirby, c'est pas du tout kawaii. Il est très impulsif, il est même sanguin. Parfois, il donne des coups sans aucune raison, notamment dans les dessins animés ou dans certains épisodes de manga, parce qu'il y a aussi des mangas Kirby. Il peut se montrer hyper violent, très égoïste. Parfois, par exemple, comme il adore manger, c'est sa grande passion de manger, surtout de manger des pastèques. Pour un bout de pastèque, il peut aller jusqu'à déglinguer un pauvre petit Waddle Dee. C'est un petit ennemi dans le monde de Kirby qui ressemblerait à un petit singe trop mignon. Il peut aller comme ça se montrer d'une extrême violence envers ce pauvre petit singe, juste parce qu'il a un bout de pastèque qu'il veut s'accaparer. Donc, il y a un petit côté presque un peu psychopathe derrière le doux visage de Kirby, oui. En vous écoutant, ça me me fait penser à ce dessin animé que je regardais enfant, qui était vraiment un programme court, qui s'appelait Coco Shaker, où il y avait deux personnages qui se battaient pour monter sur un palmier et ils secouaient. Et en fait, c'était tout mignon comme ça, mais ils s'envoyaient des noix de coco et ils étaient mignons, mais c'était d'une cruauté extrême parce qu'ils se battaient pour avoir la place au sommet du cocotier. Et donc, je trouve que Kirby s'inscrit bien dans cette lignée des choses un peu mignonnes. C'est mais Il y a une dichotomie, hein, c'est-à-dire que Kirby, c'est à la fois un personnage qui est en effet très mignon en apparence, mais quand on regarde un peu de plus près l'univers de Kirby, en fait, on se rend compte que certains monstres aussi, quand on commence à les attaquer, prennent des têtes absolument terrifiantes. Les fins des Kirby, généralement, sont extrêmement sombres, et le dernier ne manque d'ailleurs pas à la règle, avec des références religieuses incroyables. De toute façon, on se balade dans un monde post-apocalyptique dans le dernier Kirby, donc on sait qu'il y a quelque chose qui, à la base, est un petit peu sombre. Mais même dans le gameplay, dans la façon dont on joue à Kirby, c'est un personnage qui traverse les niveaux. Mais genre, il n'est pas là à sauter, il traverse les niveaux et les gens dans les niveaux. C'est-à-dire qu'on passe, les ennemis sont absolument inefficaces contre Kirby. Oui, Kirby tombe sur l'ennemi et l'ennemi meurt alors que Kirby, c'est lui qui aurait dû prendre le coup. Vraiment, c'est Kirby est très fort. Il a un côté fléau, en fait. Oui. Fin des temps, il pourrait y avoir un prophète qui dit à la fin des temps arrivera une sorte de trou noir rose qui nous dévorera tous, et c'est Kirby, et le joueur l'incarne. Et d'ailleurs, dans un de mes Kirby préférés, dans mon Kirby préféré d'ailleurs, Kirby Superstar, il y a tout un épisode, tout un passage, où donc on a tout l'équipage de Meta Knight qui voit débouler Kirby donc sur leur armada, hein, c'est un immense vaisseau armé jusqu'aux dents avec des canons, des missiles, des robots. Mais il y a juste Kirby qui arrive. Et là, tout le monde panique. Et en fait, pendant tout le passage, on a les transmissions radio de tout l'équipage. Oh mon Dieu, il a détruit le pont supérieur! Qu'est-ce qu'on va faire? Envoyer le robot! Il a tué le robot! Non! Enfin, bref, il cherche absolument un moyen de se débarrasser de Kirby. Kirby est terrifiant. Non, il y a Godzilla. Voilà. Godzilla, on l'appelle pour se protéger de Kirby, en fait. Oui. Il est là pour nous protéger. Karel Kanfui, quelle place occupe Kirby dans le paysage des jeux de plateforme? En fait, c'est un peu une valeur sûre, mais en même temps, c'est un second couteau, c'est-à-dire qu'il a un succès constant, mais jamais fulgurant. C'est-à-dire que le premier Kirby a vraiment été fidèle à sa vocation de jeu qui devait plaire à tout le monde, conformément à la demande de Nintendo envers le studio HAL Laboratory à l'époque. Mais au fil du temps, les ventes sont généralement autour de 1 million, entre 1 et 2 millions. Donc ça veut dire que c'est un succès, mais c'est pas non plus à la hauteur d'un Mario qui fait, même le Mario le plus décrié qui est Sunshine, en a fait 6, par exemple, environ. Donc on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur, et j'imagine que ce sont des jeux qui coûtent moins cher à produire, typiquement qu'un Zelda aussi. Breath of the Wild, je devine qu'il a coûté beaucoup plus cher que le dernier Kirby. Mais c'est peut-être aussi cette position un peu entre deux qui permet aux développeurs de prendre des risques énormes en prenant des directions très radicales. Typiquement, on va avoir un Kirby en mode Metroidvania, donc avec un gigantesque labyrinthe comme un Metroid. On va avoir un Kirby où il pilote des robots géants. On va avoir un Kirby... Il y a des idées comme ça extrêmement radicales que ne pourrait peut-être pas se permettre un Mario, ou en tout cas quand s'il se l'est permis avec Sunshine, on lui a reproché tout de suite. Donc, c'est une licence que je qualifierais d'expérimentale, avec laquelle Nintendo se permet de jouer pour s'adresser à son cœur de cible, et son cœur de cible lui est fidèle. Et en même temps, l'une des références qui seraient les plus parlantes pour les auditeurs, c'est Shigeru Miyamoto, donc qui est le créateur de Mario, dans une interview, s'était justifié qu'à l'E3 2011, donc c'est une gigantesque conférence annuelle du jeu vidéo, Nintendo n'ait pas montré deux jeux Kirby qui sortaient pourtant cette année-là, c'était en 2011. Et il disait, à l'interview de Gaming Informer, il disait que Kirby, c'est une licence adressée aux consommateurs et pas au business, pas aux investisseurs. Et donc, à partir de là, c'était pas le bon support de communication pour vendre ces jeux, quand bien même il y en aurait deux. Donc, pour moi, c'est peut-être l'anecdote la plus parlante pour expliquer la place qu'occupe Kirby chez Nintendo et dans l'écosystème de la plateforme aujourd'hui. Ça va faire 2 semaines que Blockbuster a repris et je n'ai toujours pas passé une chanson de Clara Luciani. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc on écoute tout de suite Clara Luciani qui nous interprète Cœur. T'es comme un vol qui s'accroche à tous les clous. Tu t'abîmes à tous les coups. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. L'amour cogne cœur de Clara Luciani. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Différentes versions de Kirby existent sur différents supports, mais même s'il jouit d'un capital sympathie énorme, Kirby, il y a des gens, ils n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et ce matin, j'ai reçu un tweet et je me suis dit, il faut que je le lise à l'antenne, parce que voilà, c'était quelqu'un qui m'a dit, qui m'a expliqué ce qu'il ressentait vis-à-vis de Kirby. Et donc je vous le lis, voilà, c'est... Bon, c'est le bon moment pour reprendre un truc que tout le monde oublie en ce moment, Kirby est un danger et un salaud. Commençons par l'évidence, la dangerosité de Kirby. Kirby peut avaler des quantités monstrueuses de matière et les digérer, sauf que rien ne sort de son corps. Il détruit donc la matière. C'est écologiquement un désastre et ça menace l'équilibre même de l'univers. De plus, ne nous trompons pas. Si dans Smash Bros, Kirby recrache ses adversaires, c'est par pur fair play. Factuellement, il pourrait détruire tous les héros Nintendo comme ça. Tchoump ! Fini, Happy Mario, Luigi ou Pikachu. Maintenant, Kirby est un connard. Pourquoi ? Car il a débarqué dans le pays des rêves pour soi-disant combattre le roi Dadidou qui aurait pris toute la bouffe. Vous y croyez ? Pas moi. Perso, je vois Kirby débarquer chez moi, mon premier réflexe c'est de planquer la bouffe. Le gonze débarque comme une furie, mange tout le monde, détruit des écosystèmes et démonte la tronche à Dadidou. Et il s'empare du château et se barre avec le stock de bouffe. Bref, Kirby est un très très très très dangereux salaud. C'est tout pour moi. Voilà. Donc je vous pose la question. J'ai un invité très rustre manifestant. Ah là là. Ça. Voilà. Est-ce que finalement, mais c'est vrai que c'était pour rire, mais est-ce que dans la manière dont il a toujours été présenté dans des univers un petit peu déprimants, post-apocalyptiques, on le voit se promener dans des supermarchés, avaler des voitures, est-ce que c'est pas, toute proportion gardée, une sorte un petit peu de critique d'un mode de consommation et du consommateur qui avale tout ce qui l'entoure, en fait? Critique, je saurais pas dire, mais il me semble, bon, il y a deux choses. C'est d'une part, il y a cette déclaration d'amour à la notion même de power-up dans la grammaire même du jeu de plateforme autour de laquelle s'articule tout Kirby. Donc, il avale des éléments du décor ce pour qui est terrible, les transformer. Carré, c'est que vous parlez très très bien, mais je sais qu'à l'instant, vous avez dit power-up. Il y a plein transformation d'auditeurs qui vont choisir de magique, ne pas écouter. Transformation des, magique. Des pouvoirs. Des pouvoirs, voilà. Il acquiert des pouvoirs. Il évolue. Voilà. Il est en perpétuelle évolution. C'est une boule de potentiel qu'il demande qu'à s'accomplir en digérant des choses. Donc c'est un gros bébé en fait. C'est hors antenne on disait, c'est un peu le stade oral du jeu vidéo en fait. C'est vraiment un bébé qui n'a pas de limites, qui n'a pas intériorisé ses limites avec le monde extérieur et peut-être aussi que les méchants sont là pour le lui rappeler. Typiquement dans Dream Land 2, Dream Land 3 et 64, c'est une trilogie qu'on appelle Dark Matter. Les méchants sont des entités cauchemardesques qui sont limite de l'antimatière et renvoient justement à ce vide que Kirby crée en absorbant tout ce qui touche. Et ce que disait Corentin aussi, on en parle en antenne, mais c'est justement dans le dernier, on se balade dans un univers post-apocalyptique avec un final, c'est de la SF, ouais. C'est du Cronenberg limite la fin. Quoi. Surtout la fin, enfin non. On va pas déflorer la fin pour ceux qui l'auraient pas fait. Le jeu est encore assez récent, mais oui, la fin marque par sa mise en scène, par l'ambiance, vraiment le joueur. Enfin, moi, j'ai été étonné, j'étais un petit peu tétanisé devant ma console, devant ce qui se passait devant moi. Attendez, Kirby, tu fais ça pour de vrai? Enfin, vraiment, c'était. Mais de toute façon, Kirby il joue toujours avec ce chaud-froid. Hein. C'est mignon, pas mignon. Il le fait très, très souvent. Et d'ailleurs, je pense que ça marche d'autant mieux que. Vraiment, c'est un des mondes les plus mignons qu'on voit de prime abord, quoi. Surtout avec ce Kirby qui est rose et mou et qui flotte au final. Ouais, et puis d'ailleurs, dans le dernier Kirby, je ne ferai pas de spoil non plus. Mais moi, ce qui m'a frappé, pareil, outre la fin qui est, moi j'avais l'impression effectivement d'être dans du Lovecraft, quoi. On arrive dans des proportions limite horrifiques en fait, et on s'attend pas du tout à ça en jouant à Kirby. Je pense à tous ces parents qui ont acheté sur Nintendo Switch leur Kirby et qui entendent l'émission depuis le début et se disent mais attendez, c'est pire que Mortal Kombat le jeu que je vais faire à mes gosses. C'est terrible, mais non pas à ce point là, pas au point de Mortal Kombat, mais quand même la fin est très surprenante et ça va de c'est très graduel en fait, parce qu'on commence vraiment dans un petit village tout choupinou, tout mignon. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est à un moment donné, on avance dans différentes zones qui en fait correspondent un peu à des régions. Chaque région a sa thématique. On est à la plage, on est dans la ville, on est à la montagne. Et d'un seul coup, on arrive dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, le premier niveau, c'est des petites oasis, c'est mignon. Et puis le deuxième niveau, on est dans une raffinerie de pétrole. abandonné. Ça devient vite Mad Max, ouais. Ouais, et en fait, j'ai eu l'impression d'être au milieu de Mad Max. Et les décors sont vraiment post-apocalyptiques, mais très durs. Hein. C'est très poussé. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai quitté le monde de l'enfance. Clairement, je ne suis plus là du tout dedans. On traverse des centres commerciaux, on en a parlé, qui sont dévastés, délabrés. Il n'y a plus une âme qui vive dans ce monde qui, on le suppose, a abrité des humains. Et ça va de mal en pis, clairement. Après, pour reprendre ce que tu disais à propos de Kirby qui ressemble à un bébé, moi, Kirby me fait plutôt penser à soit un vélociraptor, soit un T-Rex. dans le sens, pourquoi il mange? Parce qu'il n'a pas de bras pour attraper ce qu'il a devant lui, donc il mange. Il est vrai, il est vrai. Mais ouais, il y a des ça rejoint le bébé. On avance. Et il y a encore un mystère qu'on n'a pas élucidé, le nom de Kirby. Car elle conflue. Il y a plusieurs théories là-dessus. Oui, il y a plein de théories. Il y a la théorie des aspirateurs Kirby qui renvoyait à la fonctionnalité première du personnage. Il y a la théorie de la légende urbaine de l'avocat John Kirby aussi, qui est effectivement un lien très étroit avec Nintendo, puisqu'il a défendu Nintendo contre Universal à l'époque où il les avait accusés de plagiat de autour Kong, de King Kong pour Donkey et Kong. Et le jeu Donkey Kong. Voilà, exactement. Et Nintendo, pour le remercier de les avoir si brillamment défendus, lui avait offert un voilier du nom de Donkey Kong, ainsi que la licence exclusive d'exploitation des voiliers au nom de Donkey Kong. Donc s'il pouvait, il voulait... voilà, s'il voulait, il pouvait lancer une marque de voilier Donkey Kong. Parenthèse fermée. C'est très spécifique comme voilà, cadeau de remerciement. Ouais, très spécifique. Et on arrive à Kirby, justement, parce qu'en fait, le nom de Kirby, Masahiro Sakurai, le créateur, lui-même ne se souvient plus de comment c'était venu. Et on a eu la réponse dans une interview de Miyamoto qui expliquait qu'en fait, à l'origine, bon, effectivement, il y avait Popopo, c'était le nom d'origine. Et en fait, les Américains ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils voulaient un nom qui soit beaucoup plus vendeur en Occident. On devine aussi pourquoi, parce que à ce moment-là, les jeux qui cartonnent, c'est en Occident, c'est Mortal Kombat qui sort un petit peu dans ces eaux-là. Mais même Street Fighter 2, on accusait déjà les jeux d'être relativement violents à cette époque-là. C'était 92, hein, c'était l'année où les sénateurs américains commençaient à regarder donc Night Shift et Mortal Kombat et se demandaient si ça allait pas avoir une vilaine influence sur notre belle jeunesse, n'est-ce pas ? Voilà, donc il fallait un jeu qui plaise à tout le monde et Nintendo of America a envoyé une liste de noms justement au Japon en disant, alors en revanche, voilà, vous allez devoir choisir un nom dans cette liste-là et par élimination, bon, ils vont garder du coup Gasper qui va être gardé pour un ennemi du jeu. On devine la référence à Casper, le petit fantôme, mais il y avait également le nom de Kirby dans la liste. Alors personne n'explique la présence de ce nom-là dans la liste, mais toujours est-il que ça créait déjà un son guttural qui se prêtait pas du tout au personnage, donc ça créait le décalage dont on parle depuis le début de l'émission. Miyamoto a dit que c'était amusant d'avoir un personnage très mignon, mais qui n'est pas un nom si mignon que ça. Voilà, exactement. Ouais. Et puis du coup, il se disait aussi que ça créait un lien rigolo. En tout cas, voilà, c'est toujours Miyamoto aime bien écrire les légendes a posteriori aussi, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais toujours est-il que John Kirby a reçu le jour de la sortie du jeu une cartouche du jeu Kirby par la poste. Et voilà. Le droit d'appeler ses voiliers non plus. Non. Ça en revanche non. Bon, après, silence une entreprise de voiliers Kirby, c'est son nom de famille. Oui, c'est son nom de famille. Oui, mais là, Nintendo peut lui faire un procès. Non, on avait dit Donkey Kong, on était d'accord, mais pas Kirby. Il a changé son nom depuis, d'ailleurs. Et alors, Kirby a toujours fait partie des personnages sélectionnables dans Super Smash Bros, qui est quand même un jeu qui a bien plus de succès que Kirby. Et aujourd'hui, il est plus connu du grand public pour ses Super Smash Bros que pour ses jeux solo. Comment on explique cette ambivalence? Smash Bros, c'est un peu le deuxième bébé de Sakurai, peut-être après Kirby. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui jouent depuis longtemps à Kirby, et notamment je crois que c'est le dernier de Sakurai Superstar Saga, il me semble. Superstar, tout court. Superstar, pardon. Superstar Saga, c'est autre chose. Oui, attention, on va recevoir plein de mails d'auditeurs de France Inter et vous dire non, Superstar. Bah non. La Porsche de Kirby, bien sûr. Et donc, il y a... Oh non, on ne peut plus parler de Porsche. Même ma réalisatrice, elle faisait la pote là, depuis tout à l'heure, elle dit mais non, c'est Superstar. Bah, oui. Ils sont en train de dire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en jouant à Superstar, on a vraiment l'impression de jouer une espèce de prototype de Super Smash Bros. Quoi. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune parce que je découvrais Smash Bros, je connaissais déjà Kirby d'avant, mais en jouant a posteriori un Kirby qui était sorti avant, j'ai l'impression de jouer à Smash Bros en fait. Et donc en fait, d'une certaine manière, Smash Bros c'est un peu aussi la continuité de Kirby. C'est pas, il y a quelque chose un peu de lié dans. Mais dans Corentin Benoît Gonin, justement, c'est ça qui m'intrigue dans Kirby. J'ai l'impression en fait que le tutoriel, l'introduction au monde du jeu vidéo est totalement assumé et incarné par Kirby sur plein de choses. C'est-à-dire que c'est une introduction au jeu de plateforme, c'est une introduction pour Super Smash Bros, et que vraiment, il y a avec ce personnage, d'habitude dans ce qu'on appelle les jeux tout public, casual, c'est l'anglicisme, il y a des tutoriels, et ben le tutoriel du jeu vidéo, c'est Kirby. En fait, Kirby, c'est un peu un anti-jeu de plateforme, c'est-à-dire que les jeux de plateforme à l'époque, bon, quand on avait Mario ou d'autres, ou même Sonic, l'ennemi principal d'un héros de jeu de plateforme, ça reste quand même les fossés et les trous. La gravité, oui. Kirby, il s'en affranchit complètement. Donc finalement, Kirby, c'est un peu une, enfin c'est renier le jeu de plateforme finalement, d'une certaine manière, ou en tout cas, c'est y mettre une saveur très très particulière. J'explique pour les auditeurs, c'est souvent dans un jeu de plateforme, il y a effectivement des trous et si on saute pas assez haut, on tombe dedans, hop, on meurt. Mais Kirby, de par sa forme et sa capacité à avaler de l'air, peut flotter plusieurs fois. Il gonfle comme un ballon. Et donc s'affranchir complètement des fossés. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que dans Super Smash Bros, ce jeu où la chute est souvent punitive, quand on tombe en dehors du ring, Kirby est souvent choisi par les jeunes joueurs parce qu'il a cette capacité de revenir du bout de l'écran en flottant. Kirby est un jeu de plateforme, Super Smash Bros est un jeu de combat de plateforme, comme on a pu le dire dans l'émission sur Smash Bros. Donc il est logique que Kirby soit en effet un personnage de choix quand on veut un petit peu avoir un filet de sécurité quant à tomber. Parce que c'est vrai qu'une des choses les plus difficiles à apprendre dans Smash Bros, quand on démarre et qu'on a un peu de mal, c'est de revenir sur le ring quand on se fait envoyer bouler. Donc prendre Kirby en effet est souvent une stratégie. Et est-ce que les joueurs confirmés prennent encore Kirby ou ils le délaissent? Ça dépend les épisodes. Par exemple, Kirby, je crois, ouais, Kirby sur Smash Bros Melee, qui est certainement le Smash Bros le plus compétitif, est vraiment le dernier des personnages. Vraiment, c'est le pire, un des pires avec Bowser. Mais je crois qu'il est pas aussi affreux dans les jeux suivants. Si on est léger, ça veut pas forcément dire qu'on est mauvais dans Smash Bros. C'est peut-être l'avantage pour Kirby. Il peut tirer son épingle du jeu. On aborde bientôt la fin de cette émission, mais avant cela, on va écouter Lose and the Yakuza avec Monsters. On a tous les clés de mon appartement. Quand j'entre, ils me suivent calmement. Si y en a un qui n'aime pas la ville ou la vie, change de département. On est sur des pieds qui portent de chance et on lance, et on lance, et on lance. En espérant tomber sur le numéro qui semble être le gagnant. Thank you. Gangsters, The Loose and The Yakuza. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. Justine Boulanger, pendant très longtemps, les jeux vidéo étaient vraiment associés à des mascottes. Ça a même été les figures de proue de certaines consoles. Et aujourd'hui, il y a une sorte de raréfaction autour de mascottes. Comment on explique ça ? Alors, je pense que finalement, c'est un peu un faux problème parce que on va avoir moins de mascottes parce que la mascotte en tant que telle est devenue un petit peu has-been. Par contre, on va avoir beaucoup plus d'objets, notamment liés au merchandising, des licences. Et qui dit multiplication de licences dans le monde de jeux vidéo dit multiplication d'héros et d'héroïnes. Donc, par exemple, Kirby, en fait, si on se penche un petit peu sur sa représentation dans le monde réel, va y avoir des peluches, des vêtements, voilà, il y a tout un monde de business en fait autour du merchandising de Kirby. Des petits et cahiers, exactement. Des agendas, des stylos. Et ouais. Ce qui est très rare, ce qui est plutôt rare, c'est que à l'instar d'un Mario, d'un Yoshi, d'un Sonic, ou même d'un Zelda, peut-être un peu moins Zelda, et Link bien sûr, on va avoir à la fois du merchandising pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc effectivement, des cartables, comme on peut avoir des cartables Barbie, voilà. Et ça, finalement, on a plutôt eu tendance à augmenter en termes de visibilité. Par contre, du fait de la multiplication aussi des héros et héroïnes, il faut savoir que d'un point de vue temporel, tout simplement, c'est le cas pour nous ici à France Inter, on était enfants. Quasiment quand on a commencé à jouer à Kirby. Et en grandissant, on a continué à jouer à Kirby, mais on a aussi développé d'autres goûts dans le loisir vidéoludique. On a aussi développé plein d'autres choses. Mais ce qui est hyper facile en termes d'image pour Kirby, c'est qu'en fait, il n'a pas de genre. Alors, dans les versions occidentales, et notamment en français, parce que c'est la langue française qui le veut, Kirby est genré au masculin. Mais en fait, c'est un Thor, en japonais, qui est la version originale, il n'est pas genré. D'ailleurs, on ne sait même pas vraiment ce que c'est comme race, Kirby. On dit c'est un Kirby, ou il y a des Kirby, mais au final, on n'a même pas officiellement le nom de la race. On ne sait pas si c'est une chose mâle ou femelle. On ne sait pas quel âge il a. Effectivement, par ses mimiques, il a l'air plutôt jeune. Mais au final, il va tellement s'empêtrer dans des dangers parfois mortels qu'il est peut-être pas si jeune que ça. Puis il en a connu des aventures. Ça fait 30 ans qu'il existe Kirby, donc il a mon âge. Je suis plus si jeune. Mais ce qui est génial, c'est qu'en termes d'identification, tout le monde peut s'identifier à Kirby. Des tout petits, en passant par les adolescents, en passant par les plus de 30 ans, les plus de 40 ans qui ont connu Kirby durant leur enfance ou leur adolescence il y a quelques années. Finalement, Kirby, c'est aussi la facilité d'identification. Et ça, c'est une véritable force en termes de marketing. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez ironique, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment, d'un point de vue sociologique, dans une recherche pour maximiser l'identification, la représentativité, exactement, du plus grand nombre de joueurs et de joueuses possible. Donc on va éviter les stéréotypes genrés, racés, etc. Et on va aller justement vers des personnages auxquels tout le monde peut s'identifier. Vraiment, les licences et les boîtes, les entreprises vont chercher à créer ce genre de personnages. Or Kirby, ça fait 30 ans qu'il existe et il répond encore en plein dans le mille aujourd'hui à cette problématique-là. Karel Kanfui, derrière Kirby, il y a le studio HAL. Oui. H-A-L. Alors, on pense évidemment à l'ordinateur de 2001. Il lui doit son nom. Il lui doit son nom. Hein. Et puis, parce qu'en fait, il voulait que les lettres soient celles qui précèdent IBM, si je ne m'abuse. J'ai lu ça. Je crois que c'était déjà le cas pour 2001, pour le coup. J'ai un doute sur Ils se sont appropriés le truc. Oui. Donc, moi, j'avais lu ça. Mais toujours est-il, quelle est la place de ce studio pour Nintendo ? Alors, c'est un studio qui est à l'origine un studio qui est né dans les années 80 et qui a une parenté assez intéressante parce qu'à l'origine, c'était un prestataire. Puis finalement, ils ont fini par devenir interne. Et il y a une figure très importante dans ce studio, outre Masahiro Sakurai, qui a créé Kirby et Super Smash Bros. C'est la figure de Satoru Iwata, qui était le seul programmeur du studio dans les années 80. Et il me semble d'ailleurs qu'il était compté parmi les programmeurs du premier Kirby sous pseudonyme à l'époque, pour pas se le faire piquer par la concurrence. Et il a fini par devenir justement le président, le quatrième président de Nintendo à la fin des années 90, précisément, enfin en partie parce que le studio HAL a accompagné l'internationalisation de la licence Pokémon. On connaît l'anecdote de Satoru Iwata qui recompresse les données de Pokémon Or et Argent pour permettre d'incorporer la région des premiers jeux et de doubler la longueur de l'aventure. Mais voilà, c'était une sorte de HAL, c'est un peu une sorte de laboratoire. Bah, c'est le nom, hein, le nom du studio l'indique. C'est un laboratoire d'idées. Donc Kirby est la figure de proue, très clairement. On va tenter des choses, on va les rendre intelligibles pour tout le monde. On va prendre des références à Treasure, qui est un studio hardcore gamer, mais oui, puissance 1000. Gunstar Heroes. Gunstar Heroes, etc. Bah, ce que disait Corentin tout à l'heure sur l'attaque du vaisseau de Meta Knight, c'est littéralement du Gunstar Heroes. Oui. Si on voit le boss qui commente ce qui se passe derrière une vitre, c'est littéralement du Gunstar Heroes. Le meilleur beat'em up du monde, Guardian Heroes. Aussi, oui. Effectivement, bah, Treasure, c'est, voilà, oui. y a toute une galaxie de jeux extraordinaires, mais très, très nichée pour le coup. Et Kirby réussit à en prendre le meilleur, pour s'en inspirer. Mais bref, je diverge, mais en gros, On digresse. Les gens ont l'habitude avec Blue Buster. On digresse un peu, mais toujours est-il que voilà, HAL Laboratory, c'est vraiment un laboratoire. C'est en gros la cuisine de Nintendo pour filer la métaphore culinaire de Kirby. Et donc Kirby en serait la ratatouille quelque part. C'est-à-dire. Ah, j'aurais dit que c'était Smash, moi, tu vois. Voilà. Non, mais alors justement, pour moi, ça serait plutôt Kirby dans la mesure où il y a ce côté anodin, évident, faussement simple, mais qui contient énormément de saveurs. Et on pense à la scène de Ratatouille du film où le critique qui est éprouvé, qui a joué à 15 mini-jeux dans sa vie, enfin, du coup, voilà, qui a joué à 15 mini-jeux, qui pense connaître tout. Voilà, j'ai joué à tout, j'ai tout vu, j'ai tout lu. Il va goûter une ratatouille et se rappeler de ce pourquoi il aime la cuisine, de ce pourquoi il aime le jeu vidéo. Ça fait souvenir de son enfance. Ouais, exactement. Et je pense que ce côté, justement, bah, primal de Kirby, ce côté un peu enfantin, mais sans être régressif, fait de Kirby, c'est un peu régressif, Kirby. Un tout petit peu quand même. Mais pour moi, il y a une noblesse dans la dimension artisanale de Kirby, qui fait que c'est pas uniquement régressif. Il y a vraiment une vraie richesse, une vraie science du game design qui lui donne toute sa valeur dans la proposition de Nintendo aujourd'hui, quoi. En fait, faut se rappeler que c'est quand même Sakurai qui est à la base de Kirby et que Sakurai, c'est une des personnes les plus érudites en termes de jeux vidéo qui existent. C'est aussi pour ça qu'on lui confie les rênes de Smash Bros, qui est un peu ce All-Star global. Qui rajeunit d'ailleurs, parce que j'ai vu des photos de Sakurai il y a quelques années. Il fait plus jeune aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ça fait peur. Et peut-être que finalement, l'énergie que Kirby accumule dans son ventre est transférée vers Sakurai pour qu'il rajeunisse. C'est une sorte de vampire. Nouvelle théorie du complot. Non, mais c'est vrai que Sakurai est quand même incroyable, parce qu'il il est quand même d'une technicité incroyable dans les jeux, et il va te faire des jeux de combat absolument au cordeau, absolument, absolument technique. Mais en même temps, il garde toujours au fond de lui-même. Non, mais attends, il faut qu'on fasse un jeu qui soit accessible. Et ça, c'est super important pour Sakurai. Et il y a un nouveau Kirby qui a été annoncé. Alors, je ne le savais pas, vraisemblablement, voilà. Je dois être branché sur le canal Nintendo en ce moment. Et il y a un nouveau Kirby qui va sortir, qui s'apparente un petit peu à une version Kirby de Fall Guy, un autre jeu multijoueur. Ouais, alors là, il y a la bagarre sur Twitter pour savoir à quel jeu va s'apparenter donc ce Kirby's Dream Buffet. Donc en effet, Kirby réduit à l'état de bouboule est envoyé valdinguer dans des gâteaux et autres crèmes fouettées. Ça a l'air encore une fois particulièrement régressif. On en parlait là, vraiment, on va se régaler. Ouais. Moi, ça me rappelle Kororimpa, un jeu de Wii où on déplaçait des boules comme ça, y compris sur des gaufrettes et d'autres gâteaux. Moi, ça vraiment, ça me rappelait ça. D'autres parlent de le jeu de golf là qui est à la mode sur Twitch, dont j'ai oublié le nom. Ça m'en reviendra peut-être, mais il y a un jeu de golf qui en ce moment est très très joué sur Twitch. Donc il y a ce côté, voilà, envoyer des boules et jouer à plusieurs, parce que je crois que ça pourra jouer jusqu'à 4. Oui, multijoueur. Ouais. Après Fall Guys, bon, je sais pas. Peut-être l'aspect un peu l'aspect course, oui, sur des obstacles course. Peut-être. Mmh. Ouais. On suivra tout ça et on vous réinvitera pour en parler. est-ce que cette fois-ci on touche Lovecraft ou est-ce qu'on est allé vers Edgar Allan Poe? On verra où nous mènera ce Kirby. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Corentin, Benoît Gonin, Karel Canfi, Justine Boulanger, c'était un plaisir de vous avoir autour de la table. Et on remercie aujourd'hui à la technique Florian Dorémini et Vincent Godard au mixage. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour nous dire combien on est matérialiste ou combien on s'adresse à des initiés, il n'y a pas de problème. Au 01 56 40 30 20 ou en parler sur le Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Demain, elle s'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin l'a choisie pour lutter contre les forces du mal, elle devient Miraculous Ladybug. Demain, dans le cadre du partenariat France Inter et la Japan Expo, on reçoit en direct Thomas Astruc, le créateur du dessin animé culte Ladybug. Donc si vous avez des enfants, chers auditeurs, qui veulent lui poser des questions spécifiques, c'est le moment. Il y a le répondeur 01 56 40 30 20 et le compte Twitter, vous écrivez pour eux et moi je ferai suivre les questions demain en direct dans l'émission. France Inter.